Chapitre 8 De Nul Negos par Raoul Bigot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'œuvre inachevée. Privé du passionnant sujet d'étude qu'était Antoine, déçu par le fameux congrès de Chicago, qui ne lui avait même pas fourni une idée ou un problème à méditer, mais satisfait de son succès dans l'affaire Charfland, Nul Negos poursuivit ses recherches scientifiques, espérant recueillir les fruits du travail continuel et obscur de son inconscient. Mais l'âge commençait à produire son effet. Fatigué par son long voyage, troublé par les châtiments qu'il avait été contraint d'infliger à la doctoresse et à ses trois complices, le savant sentait son énergie paralysée. Malgré de profondes méditations, de minutieux calculs, des travaux sans répit, des essais répétés, de nouveaux appareils inventés, il lui fut impossible d'arriver à voir à distance l'intérieur d'un cerveau et d'enregistrer sur un document immuable les phénomènes physiologiques accompagnant la pensée. Pour soutenir sa volonté, il songeait souvent aux conséquences gigantesques qu'aurait la réalisation pratique de l'idée qui le hantait. Ce qu'il envisageait surtout, c'était son application au grand de la Terre. Il est tant de peuples qui sont gouvernés, non d'après les paroles que leur adressent leurs chefs, mais d'après les pensées secrètes de ceux-ci. Ah, si ces pensées étaient connues des masses, leur opposition, avec les mots qui caressent et apaisent, éclaterait si crûment que le bruit des révolutions qu'elles engendreraient spontanément couvrirait le monde entier. Que deviendrait le souverain, le chef d'État, qui à grand renfort de discours armerait son peuple pour la défense du pays, si, visible pour tous, apparaissait son désir secret de dominer les voisins dans le but d'élever plus haut sa maison, insoucieux du sang, de la ruine et des douleurs de ses propres sujets. Que deviendrait le souverain, le chef d'État, accordant à son peuple quelques prérogatives sous prétexte d'amour et de justice, si, visible pour tous, apparaissait la pensée secrète qu'il n'obéit qu'à la peur, qu'il saura prendre ses précautions pour qu'en réalité, son despotisme continue de tout mener. Que deviendrait le souverain, le chef d'État, qui un jour de fête viendrait au milieu de son peuple protester de sa fidélité, de son attachement au bien public, si, visible pour tous, apparaissait sa pensée secrète, montrant sa répugnance à parler à des manants, son dégoût d'être obligé à ce geste pour garder de magnifiques prébendes qui l'enrichissent, le pouvoir qu'il aime à exercer, dont il aime à abuser. Oui, que deviendrait-il, tous ces souverains, ces chefs d'État menteurs et fourbes? Quelle expiation terrible leur serait imposée! Mais par contre, quel bonheur radieux auréolerait les bons, ceux qui, souverains et chefs d'État, parleraient, agiraient en conformité absolue avec leurs pensées, ne considérant leur souveraineté que comme une obligation de servir loyalement? De quelle bénédiction les peuples ne les entoureraient-ils pas? Au-dessous de ces grands, quel spectacle présenteraient les demi-grands ou ceux qui se croient tels? Que deviendrait l'homme qui aspire à gouverner si à ceux qu'il doit convaincre pour arriver aux marches du pouvoir apparaissait indéniablement visible sa véritable pensée? Le voyez-vous, le candidat, bedonnant et riche, clamant ses opinions égalitaires alors qu'il pense? Est-ce drôle d'exprimer cyniquement tout le contraire de la vérité? Partager ma fortune à d'autres. Mais il faut que je dise cela, que je le crie, que je le hurle sur ces tréteaux de farce, sur ce tremplin d'où je rebondirai vers les honneurs, les hautes distinctions. Il faut que je donne le change, afin que je maquille mon âme, pour que s'ouvrent partout devant moi les portes des grandes administrations qui devront accepter mes combinaisons financières, et de là, je monterai plus haut, toujours plus haut. Le voyez-vous, le candidat qui se pose en défenseur de la morale publique, promet le bonheur universel, donne des droits à tous, se réserve exclusivement les devoirs, et qui pense « Est-ce ridicule de débiter ses sornettes? Mais il faut que je sois élu, et mon élection dépend de ce programme du Parti populaire dont je suis le candidat. Ce parti est de la majorité. Grâce au poste que je vais obtenir, je serai enfin à l'abri de ces poursuites mesquines qui entravent mon industrie et qui m'empêchent de fabriquer à ma guise des produits falsifiés, si rémunérateurs. Le ministère devra compter avec moi. Il saura enrayer le zèle de certains magistrats qui arrivent toujours à me dépister, malgré mon habileté à changer de raison sociale, à grimer mes marques, à renouveler mes agents. J'ai beau grossir mes bénéfices, ces ennuis amènent toujours des frais et me nuisent auprès de ma clientèle. Le voyez-vous, le candidat, petit fonctionnaire, primaire d'une ambition démesurée, qui d'une voix pleine de trémolo annonce aux ouvriers qu'ils auront moins de travail et de plus forts salaires s'il obtient leur suffrage. Et cet imposteur, qui ne craint pas de multiplier les difficultés sociales, d'attiser les rancœurs et les haines, que pense-t-il ? Le voici. Sont-ils naïfs de me croire ? Je veux être élu une fois seulement. Je saurai bien alors, soit par des concessions, de petits services, soit par intimidation, suivant le caractère des puissants qui seront bien obligés de me recevoir, décrocher d'un coup la haute situation que j'en vis. Je franchirai toutes les étapes. En peu d'années, j'arriverai d'emblée à un poste que l'avancement normal ne pourra jamais me procurer. Et ce n'est pas trop de mentir pour obtenir ce résultat magnifique. Le voyez-vous, le candidat, l'homme sans scrupules, contraint de changer de résidence à cause des mauvaises histoires qui courent sur son compte, hurlant les plus grosses insanités contre ses concurrents, les insultant et se posant, par sa violence feinte, en défenseur des déshérités et des mécontents, leur offrant d'illusoires bonheurs et les amplifiant jusqu'à l'absurde à mesure qu'approche le moment où son sort se décidera. Celui-ci, que pense-t-il ? Ceci. Il faut absolument que je réussisse, ou cette fois, je suis irrémédiablement à la côte. Ah oui, les voyez-vous, ces candidats éhontés, proclamer leur fadaise, alors que scientifiquement, indiscutablement, le bon peuple auquel ils s'adressent saura les véritables et basses raisons qui les ont fait se poser en champions du bien public. Ah, quel coup de balai ! Par contre, quel triomphe pour l'honnête homme qui dit simplement ce qu'il pense, qui pense simplement ce qu'il dit, qui examine logiquement les situations, explique le pourquoi de ses promesses, qui limite loyalement aux saines possibilités, qui ne sollicite un poste que parce qu'il croit que son expérience, son savoir, sa compétence peuvent être de quelque utilité au bien public. Ah, la sincérité dans le monde, quel rêve ! Oui, tous ces acteurs, tous ces cabotins de la vaste comédie humaine, tous ces baladins aux pensées fourbes, aux sentiments avilis, tous ceux qui, sous leur masque de parade, cachent leur âme de proie, tout cela serait tout à coup démasqué. Et la foule ricanerait devant ces pitres, les couvrirait de huées et éclaterait de rire, de ce rire magnifique et sonore qui explose à l'apparition de la vérité. Ah, tous ces menteurs aussi, tous ces faux dévots qui abritent leurs manœuvres louches derrière le voile de la religion, trafiquants ou mercantis sans scrupules, financiers véreux qui s'enveloppent de grands signes de croix pour inspirer confiance à leur clientèle, tout cela tout à coup apparaîtrait tels qu'ils sont, dans toute leur laideur, dans leur perfidie horrible, avec leur lèpre morale, et ceux qui furent dupés ou ruinés par eux pourraient leur crier leur mépris à la face. L'univers, purifié par cette découverte, respirerait enfin dans une atmosphère salubre et vivrait dans la franchise et la loyauté. Les hommes se voudraient sincères, les femmes se voudraient sincères, et l'amour, en un large rayonnement, se répandrait sur les jardins du monde. Et ce serait la fête du cœur, la fête de la loyauté. Les malentendus qui font naître les querelles disparaîtraient et les mensonges s'évanouiraient dans la lumière. Les méchants seraient maudits et les bons si souvent méconnus, apparaîtraient dans toute la splendeur de leur âme. Les êtres, délivrés de ces pensées d'envie qui les avilissent, croîtraient en force et en beauté. L'âme sculpterait le corps, la pureté morale créerait les gestes harmonieux. Le monde serait renouvelé, toutes ces scories seraient balayées comme par un vent de joyeuses tempêtes, et les êtres communiqueraient entre eux avec l'accent même de la vérité. Quel rêve ! Ah, la sincérité dans le monde ! Quel rêve ! Poursuivant le cours de ces méditations, Nunlegos voyait son appareil futur invisiblement braqué sur les candidats, dans toutes les salles de réunion, dans tous les foyers, et dévoilant aux gens sollicités les vraies idées des orateurs, leur donnant la mesure de leur bonne foi. Ah, certes lui, nul négos, connaissait peu le monde, mais ce qu'il en avait observé avant sa réclusion volontaire, ce qu'il avait lu au cours des observations qu'il avait faites avec son premier appareil dans les cerveaux étrangers, était suffisant pour qu'il se rendît compte de l'immense révolution qui serait la conséquence de sa découverte enfin parachevée. Il s'effrayait même alors, à ces moments-là, de l'immensité de la catastrophe qu'il prévoyait. Le mensonge et la dissimulation jouaient un rôle si considérable dans le monde, dans les rapports entre individus, entre sociétés, entre peuples, que leur révélation brutale ne pourrait amener le règne absolu de la vérité et de la loyauté. Il y aurait une crise épouvantable, l'humanité n'étant pas encore suffisamment prête pour cette vie de pure clarté. Qui sait, au lieu d'être considéré comme un bienfaiteur, le nombre de masques d'hypocrisie qu'il jetterait bas serait si considérable que la malédiction couvrirait son nom. Ses appareils, ses travaux seraient détruits. La grande ère de luminosité éclatante qu'il aurait dévoilée au monde serait annihilée par sa brusquerie même, et les nuages obscurs, chassés à l'instant, reviendraient, plus nombreux et plus sombres que jamais, pour fermer à la vie cette grande porte ouverte sur l'idéal. Cette réaction violente serait accompagnée de mots inimaginables que le savant n'osait envisager. Et maintenant, très vieux, il se demandait si par son rêve, il n'avait pas attenté à une providence suprême en voulant précipiter ses desseins. Les temps n'étaient pas encore révolus. Contraire, parce que trop ambitieux, à la sage et lente évolution de la raison humaine, son rêve, qu'il avait cru saisir, fuyait maintenant. Il le sentait. Il n'arriverait pas au bout. Son œuvre resterait inachevée, parce que cette providence lui disait « Halte, aller plus loin serait le chaos. Ton pas est fait, le suivant ne se fera que dans quelques siècles. » Et Nul Negos sortait anéanti de ses méditations philosophiques. Il continuait à lutter néanmoins, mais le but fuyait toujours. Une fois, il crut surprendre un phénomène nouveau dans son cerveau. Par endroits, la matière grise paraissait changer d'aspect. Il lui sembla même que là, la matière de l'intérieur des cellules se condensait et se détachait des parois de support. Il observa ces parties étranges. Il constata qu'à chaque cellule fonctionnelle atteinte correspondait un amoindrissement de la fonction. Il se rendit compte que l'élasticité des cellules, siège des pensées, diminuait et que leur efficacité en tant qu'intelligence s'affaiblissait. Il s'en assura facilement en s'imposant la recherche de problèmes qu'il traitait autrefois facilement et qui mettaient en jeu ses cellules mêmes. Les solutions devenaient de plus en plus laborieuses. Elles lui apparaissaient parfois impossibles. Il comprit. La vieillesse, non celle du corps, mais la décrépitude morale arrivait. Il en fut atterré, car c'était bien la fin de son rêve. L'arrêt du destin était irrévocable. Son œuvre resterait inachevée. 24 heures après être arrivé à une certitude à ce sujet, il constata que les phénomènes d'affaiblissement se multipliaient. La conviction d'un effondrement mental avait suffi à l'accélérer considérablement. Ces phénomènes avaient un beau terrain pour se développer dans ce cerveau qui avait été si longtemps le siège d'un travail inouï. L'usure arrivait. Ce serait bientôt la fin. Sa volonté se raidit et imposa comme terme à sa vie scientifique une mort scientifique. Il s'obstina sur son appareil, scrutant tout son cerveau, notant avec soin tout ce qui s'y passait. Il voulait que ses études se terminassent par le récit détaillé de la mort de son cerveau. Il sentait que de ses observations, d'autres pourraient, après lui, tirer d'heureuses conséquences pour la physiologie et la pathologie. Ses notes devinrent de plus en plus confuses. Il avoua qu'il n'avait plus l'énergie de les relire. Il s'en excusait auprès de ses héritiers intellectuels. Ses remarques, vraiment intéressantes ou utiles, se firent de plus en plus rares, au milieu d'appréciations insignifiantes ou de griffonnages illisibles. Un matin, on trouva Nunlegos mort, la tête coiffée de sa mystérieuse caisse, le front rivé à la visière de son appareil, le stylet à la main, le corps tout entier dans l'attitude de l'observation. Fin du chapitre 8. Lu par Isaad, quelque part en France.